Samuel quitta la salle de réveil en sifflotant. Son dernier patient venait d'émerger de l'anesthésie sans problème particulier, avec des rythmes cardiaques et respiratoires satisfaisants. Il avait pris une douche en compagnie des chirurgiens à la sortie du bloc, et plus rien ne le retenait à l'hôpital. Heureusement, car il détestait travailler le samedi matin, corvée à laquelle il était de plus en plus souvent contraint en raison de la pénurie d'anesthésistes réanimateurs. Une carence logique avec cette mode, venue d'Amérique, d'intenter des actions judiciaires contre les médecins ou les établissements hospitaliers. Dès que quelque chose tournait mal dans une opération, l'anesthésiste se retrouvait mis en cause, le plus souvent à tort. La situation désolait Samuel, qui adorait son métier, mais se retrouvait complètement débordé. Un coup d'œil à sa montre lui apprit qu'il avait juste le temps de se rendre à l'aéroclub, où il avait donné rendez-vous à Pascal. Depuis la soirée à Pérol, ils ne s'étaient pas croisés une seule fois de toute la semaine dans les couloirs de Purpan. Et finalement, il avait dû l'appeler pour l'inviter à déjeuner. Il ne voulait pas avoir l'air de profiter de l'absence de Marianne. Néanmoins, il mourait d'envie de voir Pascal en tête à tête. Il l'avait trouvée tellement belle dans cette robe de soie noire. Élégante, sensuelle, exotique. À côté d'elle, Marianne devenait presque insignifiante. Pauvre Marianne, qui appelait chaque soir pour raconter en détail ses journées de vacances et qui terminait ses communications par une litanie de serments d'amour. En l'écoutant, il se sentait mal à l'aise, accablé par la tiédeur de ses propres sentiments, coupable de ne pas savoir rompre, et malgré tout, ému. La tête sur le billot, il n'aurait pas su dire ce qu'il éprouvait pour elle. Mais en ce qui concernait son ex-femme, il n'avait pas, hélas, le moindre doute. Il était toujours fou d'elle, et le resterait probablement jusqu'à la fin de ses jours. Devait-il tenter l'impossible pour qu'elle lui accorde une seconde chance, ou au contraire, s'obliger à ne plus la voir, à ne plus penser à elle? Empêtré dans ses contradictions, il se reprochait d'avoir tout fait pour qu'elle vienne s'installer ici. Son empressement à l'aider ne cachait qu'un désir égoïste. Il n'était pas dupe de lui-même.